armé d'une vie de star armé. On se voyait mener une vie gangsta sans G dans le slip. Y'a pas plus près comme business. Y'a pas plus près pour se refaire en vitesse. Vie de test, une vie remplie de tests. Envie de liasse, mais risque de heps. Vie en hesse, vie de kleps. Vie en hesse, vie de kleps. Faut qu'on brille par le rap ou la bicrave du kill. Rien de grave, faut bien vivre. Tous les moyens sont bons pour parvenir à nos fins, à notre avenir. Puis un jour, gros, ne pas revenir. L'inconscient du danger à venir. Les inspectent sur l'avenue. Ne me dis pas, frérot, que je t'avais pas prévenu. Trop d'aller et venu. Tu comparais comme un prévenu. Comme un prévenu. Le morceau à l'envers, comme mon cerveau, comme la terre entière. Mon frère, je vous la fais à l'envers. Je reste moi, je reste vrai. En attendant l'album, le vrai, je reste au frais. Aujourd'hui tout va bien. Bellec, demain tout va mal. Accroche-toi bien, plein de farce sans frais. Normal, vous êtes pas bien. Dans la vie, j'ai fait des trucs pas bien. Mais le problème vient. On a de quoi t'accueillir. 32 000 tirs de missiles. Vise le mille, faut qu'on brille. 7 UP, c'est 7 UP. Lève-toi, lève tes bras, lève ton doigt. 7 UP, c'est 7 UP. Lève-toi, lève tes bras, lève ton doigt. Aujourd'hui, y'a plus de deal. Le quartier est une jungle. Sponsor par le crocodile. Smahli, Khouadil. Les torts causés me tordent les tripes. Ma vie n'est pas un trip. La loi de la street est bien stricte. Brother, smah bien you, Moser. Mon Garros rêve d'une Cendrillon dans son Gamos. Même pas ado, il mène déjà une vie crado. Résine de cannabis dans le sac à dos. Noël, pas de cadeau. Anniversaire, pas de gâteau. V'là la vie d'un jeune dans un ghetto. Mon Garros rêve du Cendrillon dans son Gamos. Même pas ado, il mène déjà une vie crado. Résine de cannabis dans le sac à dos. Noël, pas de cadeau. Anniversaire, pas de gâteau. Voilà la vie d'un jeune dans un ghetto. Voilà la vie d'un jeune dans un ghetto. La vie ne lui fait pas de cadeau. Personne ne se fait de cadeau. Chacun sa life, chacun sa peau. Check l'album du grand frère. Check l'album du grand frère. C'est vert. Il m'assassine, qui quitte le monde en l'air. Pire qu'un 357, le chargeur jamais vide. Il reste toujours une bastos, pourtant joli nombril. C'est pas notre faute si nos styles fait mouiller les fafafam. C'est pas notre faute si nos styles crache des flaflaflam. Une vie infâme, je suis plus proche de la date que de l'appétit. Et oui, mon petit, je vais faire gémir la France. Je ralentirai pas la cadence, même si mon cœur, mon esprit est en pleine souffrance. Vas-y, danse, danse sur la violence. Vas-y, nique l'état, vas-y, nique la souffrance à contresens. Sur la voie de l'enfer, je flirte avec le danger. Pas toi dramatisé, ici c'est le quotidien de tous mes refrains. Pour ceux qui sont enfermés, trahis par leur fréquentation. Une double vie menée pendant toutes ces années. Démasquer la rue, ne sais plus qui faire tomber. Parti de rien, revenu de loin. Je veux pas la couronne, je roule pour le butin. Seul avec ma plume, lourd passé à porter au poids d'une enclume. Les ancêtres toujours sur le bitume acquis, jusqu'à ce que la mort leur enlève la vie. Je traîne toujours ici, malgré qu'on a bien changé. Les années passent, et entre nous rien se passe. Toujours au revoir au fil du temps, sur ma cime tout s'efface. J'ai vu la crasse maquillée. Maintenant comment veux-tu que la France me fasse bander? C'est pas Nico et les autres qui vont nous l'arranger. Au contraire, plus en emprisonne, moi ils sont dérangés. 6h du mat, réveillé par les cornes du bélier. Réveille un sursaut, je vois rouge comme un taureau. Mon cœur noyé dans un océan de sang. Ma voix dans un incendie de sème de sang. La musique, les mécaniques, c'est la seule chose que je fabrique. Malgré qu'il y ait un rapport avec le fric. Mais chaque jour que j'ai fait, c'est vrai, je me lève, j'ai la trique. Hey, j'ai vu la vie à poil dégoûté, je sors pas le tic. Je pars ZF, rejoins mon quotidien avec les miens, fumer quelques spliffs. Génération, Chivas, Dallas, Tass, le moment has. Toujours au pays pour te mettre deux ou trois coups de schlass. Check l'album du grand frère. Check l'album du grand frère. Check l'album du grand frère. Check l'album du grand frère. Check l'album du grand frère.